Bien, bonjour à tous et à toutes. Et merci au comité d'histoire régionale d'avoir accepté la participation de notre société d'histoire et de géographie de Mulhouse, au nom de laquelle je vous présente les derniers travaux que nous avons entrepris concernant l'eau à Mulhouse, qui a fait vraiment l'histoire de Mulhouse, et pas seulement l'industrie, comme on le croit toujours. Alors, Mulhouse est un site qui... voilà. Ça marchait ? Ben non, non, non. Ah, excusez-moi. Pas l'habitude de cet ordinateur. Normalement. Ben oui, je suis sur les flèches, mais ça ne doit pas être bon. Mulhouse est sur un site qui est extrêmement irrigué, on va dire, et arrosé. En fait, la ville historique de Mulhouse se trouve sur une terrasse de Leus, un peu exondée, et au milieu dans un milieu hydrographique qui est arrosé par, à la fois par l'Isle, surtout par l'Isle, et la Dolère, que vous voyez ici, dont le confluent est un petit peu plus à l'est. Mais nous verrons dans un instant qu'elle a été détournée. Alors, ce milieu extrêmement riche au point de vue hydrologique n'est pas connu sur le plan historique jusqu'à l'année dernière, où au cours de l'été et au cours d'une fouille dans la partie nord de Mulhouse, les archéologues ont pu faire sur 2 mètres de hauteur une coupe pédosédimentaire qui est encore en cours d'analyse. Je ne peux pas vous en donner pour l'instant les résultats très précis, sauf que vous voyez que grâce à cette coupe, on va pouvoir beaucoup mieux connaître les possibilités d'un habitat permanent et d'une urbanisation donc possible. Alors cette fouille a révélé aussi que contrairement au mythe du Mulhouse né d'un moulin d'époque plus ou moins carolingienne, avec naturellement une histoire d'amour entre la fille du moulin et le barbare qui vient s'échouer à ses pieds, en fait les Gallo-Romains étaient déjà présents sur le site. Donc un réseau très riche, au point de vue hydrographique, et aussi un réseau de circulation très intense. Vous voyez ici une carte manuscrite faite par un érudit du siècle dernier. Même si vous ne voyez pas le détail, vous situez bien Mulhouse un peu comme un hub au point de vue routier, aussi bien des voies romaines, bien sûr, que des voies médiévales qui étaient beaucoup moins tracées. Alors, de l'ancien île, on ne sait pas grand-chose, mais dans des travaux récents, j'ai pu émettre l'hypothèse qu'en fait, l'île ancien, un des bras se trouvait ici, et comme l'île débouche en quelque sorte sur la plaine, ici, on a le Jura, hein, c'est les dernières collines du Jura. En fait, il s'étale en plusieurs bras et vraisemblablement, celui-là, on est presque sûr, j'émets l'hypothèse aussi d'un autre ici, et l'urbanisation, le processus d'urbanisation se serait développé autour de cette île ancien. Ce qui est intéressant, c'est que, en fait, décidément, c'est toujours dans l'autre sens, voilà. Ce qui est intéressant à voir, c'est les grandes ruptures dans le développement de Mulhouse liées directement à l'eau. Ici, la rupture à retenir, c'est dans les années 1225, la construction d'une muraille avec un fossé. Alors, pour le fossé du sud, on utilise évidemment l'île, et ici, on divise donc l'eau de l'île pour faire un fossé vers le nord. Alors, ces fossés ont l'immense mérite, sans doute, de défendre ce qu'on a toujours dit, mais surtout de drainer l'intramuros ici, avec ce qui subsiste de petits ruisseaux qui sont beaucoup plus modestes, évidemment, et qui permettent une installation plus durable. Les moulins, bien entendu, on vient d'en parler, sur les fossés. L'irrigation, et j'ai appris beaucoup de choses avec ce que Paul vient de nous expliquer, on verra tout à l'heure, dans un instant. La pêche, évidemment, et c'est autour de ces travaux, autour de l'eau, que s'est constituée donc la ville de Mulhouse. Il fallait. C'est délicat comme. Excusez-moi. C'est déjà fini, vous voyez. Je n'arrive pas à revenir en arrière par rapport au temps. Bon, je passe à la suite. Non, tant pis. Bon, adaptation d'un milieu extrêmement riche au point de vue eau. Vous voyez ici la partie ouest de Mulhouse, et vous devinez, même si c'est tout petit, évidemment, les moulins. L'irrigation des prés, hein, comme à Citeaux, à Clairvaux, c'est extrêmement important. Alors, je ne sais pas si ça, c'est ce qu'on appelle les sangsues, mais c'est vraisemblable, vous voyez, avec les petites écluses, les puits. Hein. Donc, on a là un milieu extrêmement, extrêmement important, au point de vue aquatique. Deuxième étape, après l'étape de la construction de la muraille, c'est l'étape du XVe siècle. En 1417, l'empereur accorde aux Mulhousiens de pouvoir disposer de leurs eaux. Et les Mulhousiens entreprennent des travaux, j'ose dire pharaoniques, bien qu'ils soient Mulhousiens. Et vous le voyez, au sud, on va avoir 4 fossés, au nord, 3 fossés, plus un détournement de ce petit ruisseau, le Steinbächlein, qui est un affluent de la Dolère, et qu'on va détourner pour l'amener ici et pouvoir prendre l'eau de la Dolère. L'île était une eau très chargée en calcaire, la Dolère est une eau très cristalline, et pour l'artisanat, en particulier pour la teinture, pour le lavage des draps, etc., la conjugaison des qualités de ces deux eaux, évidemment, était extrêmement importante. Alors, sur la. Ça, c'est une carte que nous avons. Que j'ai faite. Ben, du coup. C'est agaçant au possible, ça. Je ne sais pas pourquoi là. Vous n'avez pas montré ça, c'est l'amiral sur pilotis. Vous voyez le travail pour construire sur un terrain extrêmement riche au point de vue aquatique. Bon, voilà, ça a l'air d'aller. Donc, le plan Mérian, un plan du 17e, comme les plans anciens, vous savez, ici, on a le nord et là, le sud. Donc, sur ce plan Mérian, on voit peut-être encore mieux que sur la carte que nous avons faite, ces fossés. sur ce dessin qui a été fait par un architecte au siècle dernier. Je voulais vous le montrer pour les ouvrages d'art qui sont sur les fossés. Ces ouvrages d'art qui se situent donc pas du tout en amont, mais en aval. Excusez-moi, vraiment, je suis désolée, mais une catastrophe. Ces ouvrages d'art qui se trouvent en aval et qui ont pour but, évidemment, de réguler l'eau dans les fossés en faisant des retenues d'eau. La pente est très faible puisque sur un kilomètre du tour de Mulhouse, à peu près, il y a un mètre de pente, donc ce n'est pas beaucoup. Et pour que les moulins puissent tourner, évidemment, il fallait retenir l'eau et écluser de temps en temps et lâcher l'eau. Alors, ces ouvrages d'art supposent des techniques et une connaissance de l'hydrologie, je dirais, qui sont tout à fait étonnantes. Grande rupture dans l'histoire de Mulhouse, c'est l'industrialisation. En 1746, donc la première moitié du 18e, trois jeunes entrepreneurs s'installent sur un des petits ruisseaux de la ville et construisent une fabrique d'indiennes. Les indiennes, vous savez, ces tissus imprimés sur coton la plupart du temps, qui étaient interdits en France, et Mulhouse étant à la frontière, pouvait faire de la contrebande. Et cette industrialisation a démarré à une vitesse extraordinaire, ce qui a évidemment complètement révolutionné, je dirais, et surtout renversé l'équilibre du milieu, puisque vous voyez là, en 1800, mais déjà la seconde moitié au 19e, la seconde moitié du 18e, en rouge, toutes les fabriques qui se sont installées en captant l'eau. Et l'eau, évidemment, est bénéfique pour l'industrie, mais elle est maléfique par ailleurs parce que, bien sûr, elle pollue. Et on a des textes d'ailleurs qui disent que les rejets de ces fabriques se faisaient dans la nappe phréatique. La nappe phréatique est à un mètre hein, de là. Les maisons n'ont pas de cave à Mulhouse. Des rejets très importants et puis une charge démographique extraordinaire puisque les ouvriers, évidemment, sont arrivés très, très, très rapidement. Alors, cette période qui s'ouvre là au 19e, va poser deux problèmes aux industriels qui sont au conseil de la ville, donc pouvoir urbain et intérêt industriel se confondent, les fossés, bien entendu, et puis les aléas climatiques, que sont les crues et les inondations. Alors, les fossés, deux solutions ont été envisagées, dans la mesure où ils ne servaient évidemment plus du tout à la défense. Ils étaient nauséabonds, insalubres, et vous savez que déjà dans la deuxième moitié du 18e, on commençait à se répandre, c'est le cas de le dire, les théories hygiénistes, aéristes, de propagation des maladies. D'ailleurs, il y avait des épidémies qui le prouvaient. Et donc, on réfléchit très, très sérieusement donc, à ces fossés. Mais il faudra un temps très important pour réussir à les vaincre, si je puis dire, puisque en 1900, on a encore, ça c'est une très vieille production, ça n'apparaît pas très bien, mais enfin, vous voyez que 1900, les fossés étaient encore, malheureusement, étaient encore là. Plus important encore pour les industriels, quoique, c'était la circulation pour apporter leur matériel, leurs marchandises et surtout l'exporter, parce que ces fossés coupaient évidemment les routes et ne permettaient pas un développement aussi important que ce dont ils rêvaient. On voit là le fossé devant cette filature Koechlin, et voilà ce que ça donne 35 ans après. Voilà. le fossé donc a été comblé. Et là aussi, fossé comblé, fossé recouvert. Mais les aléas climatiques, enfin, vous savez que le climat a connu une assez grande péjoration au 18e, début du 19e, et les inondations sont évidemment là pour rappeler la vulnérabilité de l'emplacement de Mulhouse. Comment lutter contre ces inondations? Éviter les crues et les inondations, eh bien l'idée a été, ici on a le musée, le Mulhouse historique, vous reconnaissez l'ellipse avec le dessin des fossés qu'on devine encore là, eh bien en amont, la construction d'un canal de décharge. Un canal de décharge qui a profité d'une certaine façon du chômage, de la grande crise de 1848, et qui a été donc construit très, très rapidement, mais ce canal de décharge n'a pas stoppé pour autant toutes les inondations. La preuve, en 1852, sur ce lavis, le dessin d'un architecte qui montre l'ampleur de l'inondation de 1852, inondation qui, de façon assez étonnante, en fait est une remontée de l'île. Les inondations, la plupart des inondations venaient évidemment de l'ouest de l'amont. Ici, c'est une remontée et tout le centre-ville a été inondé. Donc il a fallu continuer à recreuser et reprendre complètement, approfondir ce canal. Alors, cette façon de maîtriser les eaux, vous le voyez, est très directement liée à la puissance urbaine qui a les moyens ou qui n'a pas les moyens de lutter. Et on peut dire qu'il a fallu attendre l'activité très intense de l'urbanisme allemand à partir de 1870 pour envisager le problème dans toute son ampleur, de l'amont à l'aval, si je puis dire, et donc de le traiter de façon beaucoup plus sérieuse que ça n'avait pu être le cas auparavant. Alors, avec ce canal de décharge que vous voyez ici, tout le secteur nord de Mulhouse a pu être drainé, et vous devinez ici les constructions des cités ouvrières modèles, le modèle mulhousien, qui a été inspiré à Dollfuss par Manchester, évidemment, et la construction de ces cités ouvrières, tout ce quartier ouvrier qui fait que Mulhouse, encore actuellement, présente une ségrégation socio-spatiale tout à fait intéressante, puisqu'on a au nord un quartier ouvrier, entre guillemets, hein, maintenant il n'y a plus beaucoup d'industrie, ici le Mulhouse historique, et ici eh ben, les patrons. Les patrons qui sont installés, qui ont commencé à s'installer ici, ensuite la gare Canal Rhin-Rhône, et le Reberg, qui est la dernière colline du Jura, couverte, comme le nom l'indique, de vignes, sur laquelle Mulhouse ne pouvait pas s'étendre, parce qu'on ne pouvait pas monter l'eau, et quand le réservoir au milieu du 19e siècle a pu être construit, eh bien, toute cette colline a été lotie de villas, de parcs tout à fait extraordinaires. Donc encore maintenant, Mulhouse n'est pas Florence, je vous l'accorde, mais Mulhouse est intéressant à visiter parce qu'on a cette ségrégation, je dirais, mais vraiment sur le terrain, et ceci, sans aucun doute, grâce à l'eau, puisque j'ai essayé de vous montrer les mâles que l'eau a fait la ville et l'histoire de Mulhouse. Je vous remercie de votre attention. Je ne sais pas s'il y a quelques questions. Les trois fossés défensifs étaient séparés par des murailles, par quelque chose? Des lisses, non. Chaque fossé pouvait avoir 8 à 9 mètres de large et une sorte de plateforme entre chaque fossé équivalente. Et il y a beaucoup de textes, surtout à la fin du Moyen-Âge, qui luttent contre les plantations sur ces bandes de terrain évidemment très fertiles, sur lesquelles les Mulhousiens faisaient des maraîchages, il y avait même des vignes, etc. Alors évidemment, les autorités pouvaient dire que ça empêchait la défense de la ville, parce qu'évidemment, s'il y avait des arbres, des broussailles, etc. Mais tout ça était planté, était assez large. Et Mulhouse n'a jamais été prise, ce qui est pour les villes alsaciennes assez étonnant au Moyen-Âge, sans doute à cause des fossés, mais on n'en est pas su, évidemment. La guerre de 30 ans. Ah ben, la guerre de 30 ans, ça fait la fortune de Mulhouse, hein, parce que Mulhouse a accueilli tous ceux qui fuyaient la soldatesque, a nourri les deux armées, ou même les trois armées. Donc, Raymond Oberlé, qui est un des meilleurs historiens de Mulhouse, a montré que la guerre de 30 ans avait considérablement enrichi Mulhouse. C'était une période très bénéfique. Est-ce qu'il y a eu une étude sur les bois des remparts ? Sur les pilotis des remparts ? Non, alors figurez-vous qu'on a ce dessin qu'on a retrouvé tout à fait par hasard sur ces pieux. Et j'ai un texte qui en donne une description assez précise. Ils ont été ferrés, etc. Et d'après cet érudit qui les a vus apparemment et qui indique qu'ils sont déposés au musée historique, on a fait des fouilles avec le conservateur du musée historique dans les réserves et on ne les a pas trouvés. Alors je ne sais pas où ils sont et on n'a pas plus de... On n'a malheureusement pas plus de détails, sauf ce dessin qui est quand même assez intéressant et qui n'est pas une vue de l'esprit, parce que ce dessin, il a été fait pour préciser l'emplacement de la muraille, ce qu'il fallait. Et je précise que ces murailles, elles n'ont été détruites que tout au début du 19e. Ce qui est assez étrange, vu la gêne qu'elle pouvait provoquer à une industrie... qui se développait à vitesse galopante, évidemment.